secondo. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, l'émission toute dédiée, toute dévouée à la création sonore et aux musiques incomparables, inclassables, vous le savez, ces sonorités que j'appelle merveilleuses parce que totalement inattendues. On retrouve, vous le savez, au Québec, quelques festivals qui sont dédiés aux arts sonores et aux nouvelles musiques. Ils sont peu nombreux, mais franchement d'une très grande qualité. L'un de ces festivals débute cette semaine, Acousma, le festival de musique numérique immersive qui en est à sa 17e édition sous le vocable Acousma, mais qui additionne une trentaine d'années d'existence cette année, 30e anniversaire d'une initiative qu'on peut qualifier de très brillante, une initiative de diffusion qu'entreprenait en 1991, il y a 30 ans, les compositeurs Jean-François Denis, Gilles Corbeil et Robert Normandeau, pas les moindres, qui fondaient ces trois à Montréal le réseau des arts médiatiques devenu Acousma par la suite pour ce qui est de la diffusion des nouvelles musiques et des arts sonores. Alors, le festival Acousma s'est donné le mandat de présenter au public des œuvres sonores et des musiques nouvelles ou encore expérimentales réalisées par des musiciens, artistes ou collectifs de création issus désormais de nombreux univers artistiques. Là, il y a comme un amalgame des tendances, nouvelles musiques, arts sonores. Les œuvres sont généralement présentées dans des contextes qu'on dit immersif et sous des formes diverses, acousmatiques, performatives ou intégrées à des installations ou encore à d'autres genres de dispositifs du monde numérique. Alors, l'édition de cette année débute dès demain, 11 octobre, et se tient jusqu'au 15 octobre dans différents lieux de diffusion à Montréal, à la SAT, à l'usine C et au Vivier, qui prend place dans l'édifice Walder notamment. J'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur artistique du festival, c'est le compositeur et créateur sonore Louis Dufort, qui nous entretient ce soir du contenu de ce bel événement de sonorité immersive. Alors, parole à Louis Dufort. Louis Dufort, directeur artistique du festival Acousma, bienvenue à l'émission, très heureux de te retrouver. Dis-moi, Louis, Acousma, c'est un festival de musique numérique. On ajoute aussi un festival de musique numérique immersive. C'est la 17e édition, 30e anniversaire cette année. Pour les auditeurs, j'aimerais ça que tu nous présentes le festival, un festival qui est tout de même assez unique. Oui, écoute, là, c'est un gros morceau puisque, effectivement, comme tu l'as mentionné, on fête notre 30e anniversaire, ma 10e année en tant que directeur artistique. Donc, c'est quand même un organisme qui a été d'abord fondé par Gilles Gobeil, Robert Normandeau et Jean-François Denis en 1991. Et à l'époque, ça s'appelle toujours Réseau des arts médiatiques, mais c'est un nom que j'ai mis de côté pour simplement appeler ça Acousma. Et donc, la série Acousma, elle est apparue autour de 2005. Avant cette série-là, il y avait les concerts qui s'intitulaient « Rien à voir ». Donc, c'était des concerts qui avaient lieu au Théâtre La Chapelle, puis c'était vraiment le début de l'organisme où on invitait des compositeurs. C'était strictement de la musique électroacoustique, acousmatique. Et là, en 2005, ils ont fondé la série Acousma, justement pour ouvrir un peu plus esthétiquement sur les nouvelles pratiques. Et en 2008, c'est Nicolas Bernier qui est venu à la barre de la direction artistique. Alors, c'était plus les trois fondateurs, mais Nicolas Bernier qui conduit le navire jusqu'en 2011. Et en 2011, c'est là où moi, je suis arrivé à bord de ce navire-là. Et qui, dès ma première année, j'ai décidé de faire les événements, le concert à l'usine C, qui est un lieu magnifique pour justement pour avoir une belle grande salle avec plusieurs haut-parleurs qui entourent le public et qui rend justice à cette expression immersif. Donc, c'est un festival de musique numérique immersive. Donc c'est ça. Donc, le festival consiste à inviter des artistes internationaux. Il y a des artistes locaux. Esthétiquement, quand même, j'ai tiré l'élastique assez large parce que il y a beaucoup de ponts qui sont en train de se bâtir entre différentes esthétiques de l'underground, mais aussi entre avec la tradition de la musique acousmatique comme telle. Plus académique, j'oserais dire. Et donc, c'est vraiment un pool infini là, de courants esthétiques que je tente de représenter du mieux que je peux à ce festival-là. Thank you. Dis-moi, Louis, comment s'est construite la programmation de cette année dans un contexte tout de même assez particulier? Est-ce qu'à chaque édition, tu as comme un axe de vision, une thématique en particulier? Comment ça se passe là, concrètement? Écoute, moi, je suis allergique aux thématiques, aux grandes dames de mon CA et de quelques collaborateurs de mon comité artistique. C'est que je déteste les thématiques parce que c'est une musique tellement particulière. Il y a tellement d'artistes qui ont une démarche intéressante que d'essayer de regrouper ça sous des thématiques, je trouve ça absurde. Donc, ce qui détermine un peu qui vient au festival, c'est vraiment est-ce qu'il y a des artistes qui ont des nouvelles sorties, par exemple? Qu'est-ce qui est hot en ce moment? Je suis un peu comme une tête chercheuse. Alors, puis évidemment, je veux représenter un peu un espèce d'état des lieux. Et puis là, après 30 ans, en 2020, le festival a été annulé. Je me suis dit, après 30 ans, là, puis là, avoir les artistes qui en arrachaient, hein, on a tous mangé notre pain noir. Je dis, moi, pour mon 30e, je veux fêter ça en famille. Je veux profiter du fait que ben, il y avait la part de la pandémie, c'était très complexe aussi, mais je dis, c'est parfait que ça arrive comme ça parce que j'ai envie de fêter ce 30e-là en famille. Donc, on va avoir énormément d'artistes nationaux, donc du Canada, mais aussi énormément locaux de Montréal et du reste de la province. Et là, c'est intéressant parce que je me suis dit, non seulement je veux des artistes de chez nous, fêter sans famille, mais j'en veux plein. Puis je veux pas que les concerts soient trop longs non plus. Donc, il va y avoir énormément d'artistes, mais tous avec des prestations qui ne seront pas au-dessus de 15 minutes. Donc ça, c'est particulier cette année. Donc, ben c'est ça. Le festival cette année va être sur 5 jours. Hein. C'est quand même un long festival. Là. Cette année, normalement, on était à 3-4 jours. Donc, on va avoir une première soirée. Je vais aller succinctement là, juste donner les grandes parties du festival. Donc, la première soirée va se passer à la SAT dans le cadre de Montréal Connect, qui est organisé par Printemps Numérique. Et là, ce qui est intéressant à la SAT, c'est qu'on va avoir 3 artistes qui vont présenter des œuvres dans le Dôme, donc qui sont faites spécifiquement pour le Dôme. Donc, il y a Simon Chioni, qui est un compositeur qui va présenter seulement de la musique acousmatique dans le Dôme, mais après ça, ce sera suivi de Linkacho, Guillaume Klitsch, qui est un duo qui va faire vidéo-musique, et ça sera suivi de Myriam Blau et La Turbo, qui vont faire également un vidéo-musique. Et dans le cas de Myriam Blau, ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre présentée est une œuvre qui a gagné un prix au Japon. Et ça va être une première nord-américaine. Myriam Blau, qui siège sur le comité artistique. Et ensuite de ça, ben, on fait une collaboration avec le Vivier, où là, j'ai toujours voulu, dans le cadre du festival, présenter des musiques live electronics, ce qu'on appelle donc de la musique électronique live. Chose que je peux pas faire énormément au festival parce que, bon, on a tout le système immersif et tout ça. Donc, puis je veux donner priorité un peu à la musique acousmatique puisqu'elle a pas de, il y a pas d'autres festivals. Alors que les musiques live électroniques peuvent se trouver une niche, par exemple, à Mutec ou à Electrox, d'autres festivals qui donnent dans la musique expérimentale en direct. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, puisque c'est notre 30e, et là, je me suis fait plaisir, on va être à la salle orange de l'édifice Wilder en collaboration avec le Vivier. Et je vais présenter presque 10 d'artistes là qui sont de la scène montréalaise, qui font de la musique en direct, live électronique. Et ensuite, on a nos 3 soirées à l'usine C. Donc, là, c'est le plus traditionnel, musique acousmatique, mais quand même, il va y avoir du live là-dedans. Tous des artistes, encore une fois, issus du Québec ou du Canada. Et ça va être vraiment une grande fête en famille. Et on va terminer la dernière soirée avec une soirée très spéciale, puisque c'est notre 30e. On va fêter nos fondateurs, donc Gilles Gobeil, Jean-François Denis et Robert Normando. Et j'ajoute à cela les fondatrices, c'est-à-dire ce que j'appelle les fondatrices, c'est des femmes du milieu de la musique électroacoustique qui ont pavé le chemin pour cette esthétique-là au Québec. J'ai nommé Micheline Coulombe-Saint-Marcoux, qui a mis sur pied le programme au conservatoire. Ensuite, Marcel Deschênes, qui, elle, a mis sur pied le programme d'électroacoustique à l'Université de Montréal, et Gisèle Ricard, de Québec, qui malheureusement nous a quittés cette année, qui a mis sur pied plusieurs choses à Québec, mais dont le Gimel, entre autres, donc qui était très active à Québec. Donc, c'est important pour moi de faire un hommage aussi à ces femmes-là qui ont bâti les programmes de musique électroacoustique au Québec. Mmh. Louis, si tu veux, on va en profiter pour écouter 2 pièces. Je propose un enchaînement. On va écouter une pièce de Gisèle Ricard, artiste, compositrice de Québec, et une autre pièce, celle-là de Micheline Coulombe-Saint-Marcoux. Alors, on écoute ça. Je t'aime. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission sur des sonorités de Micheline Coulombe, Saint-Marcoux, qui est inscrite, qui ferait partie du festival Accousma, dont nous parle ce soir le directeur artistique Louis Dufort. Alors, restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promotionnel. Vous écoutez présentement CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, bonsoir tout le monde. Gaëtan Gosselin aux commandes sonores de La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL. L'émission vraiment branchée en direct sur les musiques inclassables et les œuvres, des œuvres sonores très souvent inédites. Seconde demi, donc. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile ainsi que les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Alors, dans le cadre de cet entretien que je faisais avec Louis Dufort, la programmation n'était pas complète. Alors, j'ai inséré ce soir dans cette entrevue avec Louis des pièces d'artistes, interprètes, compositeurs, surtout, qui compositrices aussi, qui font partie de l'édition 2021 d'Accousma. Alors, j'accueille ce soir, comme je le disais, Louis Dufort, compositeur, créateur sonore, prof au Conservatoire de musique de Montréal et surtout, ce soir, directeur artistique du festival Accousma. Il est là depuis une dizaine d'années. année. C'est un festival dont on dit qu'il est un des plus pointus de tous les festivals canadiens, se consacrant aux nouvelles musiques. Acousma, Festival de musique numérique immersive, nous propose donc, dès demain, 11 octobre, et ça jusqu'au 15, une exploration des nouvelles formes de la création sonore et musicale. Donc, à travers des œuvres sonores, des œuvres performatives, installatives, des artistes d'ici, surtout, et des créateurs qui travaillent aujourd'hui. Alors, on parle de musique nouvelle, très actuelle, d'art sonore très actuel. On va donc poursuivre ensemble cet entretien que m'accordait Louis Dufort à propos de l'édition 2021 d'Acousma, le festival de musique numérique immersive qui se tient à Montréal. Dis-moi, Louis, le festival, il y a de nombreuses collaborations, nombreux collaborateurs. J'aimerais t'entendre sur ces collaborations. Comment tous ces collaborateurs, diffuseurs rendent possible le festival? Oui, moi, j'ai toujours... À nous, on a une série, en fait, qui s'appelle Acousma At. Alors, Acousma At, c'est ça. C'est d'ailleurs, cette année, on fait une collaboration avec Audiotopie. Audiotopie, qui est un organisme qui a élaboré un système qui s'appelle Essaim, qui consiste à avoir 8 haut-parleurs qui peuvent être installés n'importe où, qui peuvent fonctionner à batterie pour faire de l'installation sonore, mais aussi des concerts, toutes sortes d'événements comme ça. Donc, on a trouvé qu'on avait des atomes crochus ensemble. Puis, Simonet, le directeur de Audiotopie, m'a contacté. Puis, on s'est dit, oui, il faut qu'on fasse des shows ensemble. Donc, c'est comme ça que ça naît. Ensuite, on fait partie du regroupement Le Vivier, qui est un regroupement d'ensemble de musique contemporaine, avec qui on fait annuellement des spectacles. On collabore également avec le conservatoire, puisque j'y enseigne, dont la série Electrochoc, qui émane de ça. On collabore avec le Printemps numérique. C'est ce qui fait qu'on est à la SAT. Pour présenter l'ouverture de notre festival. Il y a Mutec aussi avec qui on a déjà collaboré, on collabore toujours, on fait Acousma at Mutec. Il y a aussi des Américains, Impact, qui est un lieu dans l'État de New York hallucinant, qui est plusieurs salles de spectacle avec qui on a collaboré dans le passé. Donc, c'est très important pour moi d'avoir ce type de collaboration-là, parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de mélanger nos publics. Et puis ça, c'est quand même intéressant parce que notre pratique touche beaucoup. C'est pas juste la musique, mais ça peut être le cinéma, entre autres. Les cinéphiles peuvent adorer ce qu'on fait parce que la démarche est très près. D'ailleurs, on présente aussi des musiques visuelles également pendant le festival. Puis il y a tout l'aspect immersif maintenant avec les jeux vidéo. On a collaboré avec Ubisoft aussi. Puis voilà, il y a le Kermit aussi qui est un centre de recherche de McGill avec qui on a des atomes crochus puis qu'on va présenter des spectacles dans leur nouvelle salle qui est complètement hallucinante, là. Une nouvelle salle avec plusieurs haut-parleurs et puis le niveau de bruit est tellement bas qu'on peut entendre, on entend notre cœur. Dans les moments de silence, on entend notre cœur. J'ai jamais vu une salle de spectacle, de concert en fait aussi... noise free, si j'ose dire, c'est vraiment hallucinant. Fait que non, ça bouge beaucoup là, donc il faut collaborer. Pour conclure, Louis Dufort, directeur artistique du Festival Acousma, le festival commence demain, 11 octobre. Louis, ça se déroule toute la semaine, le festival? Oui, ça se déroule toute la semaine dans différents lieux. Donc, à la SAT, à la salle Orange Wilder, à l'usine C. Et voilà, dans ces trois lieux-là. Et puis, ça va être un une grande fête avec énormément d'artistes. Je vais avoir plus d'une trentaine d'artistes. On n'a jamais fait ça dans les années précédentes. Donc, ça va être une belle fête pour notre 30e anniversaire. Puis, j'invite tout le monde à suivre sur notre page web les événements qui vont suivre pendant la semaine. Louis, ça va être un grand plaisir de suivre ou même d'assister au festival. Alors, un grand merci de m'avoir accordé cet entretien autour du Festival de musique numérique immersive Acousma. Grand merci. Merci à toi. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir autour de quelques œuvres et artistes au programme d'Acousma, le festival de musique numérique immersive qui se tient à Montréal cette semaine du 11 au 15 octobre dans plusieurs lieux de diffusion à Montréal, à l'usine C, à la SAT et au Vivier qui prend place à l'édifice Walder. Vous trouverez d'ailleurs le programme facilement sur la toile acousma.ca, facile à trouver. Alors voilà, un grand merci à Louis Dufort de m'avoir accordé cet entretien. Louis Dufort à qui je reparlerai en cours de saison à propos de son travail d'artiste et de compositeur. Cela dit, on termine ça sur une œuvre de Chantal Dumas intitulée « Formation de montagne ». C'est tiré de son magnifique projet intitulé « Oscillation planétaire » qui sera présenté d'ailleurs durant le festival. Et cette pièce de Chantal sera suivie de « Chambre noire », une création de Claude Périard, elle aussi que j'accueillerai en entretien dans quelques semaines. Elle est inscrite, Claude Périard, elle fait partie de la programmation d'Acousma cette année. Restez des nôtres, c'est Mathieu Johnson qui s'amène avec Rock Medium. Alors voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.